Carole au Mag, numéro 281, octobre 2024. 2. Édito. 3. À la une. La Biennale des Ailleurs et le 170e anniversaire de Rimbaud. 4. Actualité. 2 nouvelles fresques pour le parcours Rimbaud. Vote du budget participatif. Cité éducative, renforcer l'accompagnement des jeunes. Lutter contre les incivilités. Permis de végétaliser. La ville prend soin de ses arbres. Fin des travaux pour le réseau de chaleur urbain. Antenne de l'Union pour la santé bucco-dentaire. De nouveaux conteneurs pour vos biodéchets. La rue de Mantoue ouverte à la circulation. Un nouveau quartier pour la communauté des gens du voyage. Bal d'automne des seniors. 5. Rendez-vous. Nuit blanche à la découverte de l'art. La fête de la science. Les Restos du cœur recherchent de nouveaux bénévoles. Octobre rose à Charleville-Mézières. La braderie d'automne. L'école de théâtre Ludus, le théâtre à la puissance 4. La fête foraine d'automne. 6. Infos pratiques. Les conseils municipaux. La permanence du maire. Réglementation automnale. Informations sur les horaires d'hiver. 7. Agenda. 8. Sport. Venez faire briller l'étoile en National 1. Handisport, le retour de l'étoile. Guillaume Ambroise à la conquête d'un nouveau titre. Escrime, les Carolos au sommet. Agenda sportif. 9. Histoire. Octobre 1970. Le manuscrit de Promontoire entre dans les collections de la ville. 10. Expression politique. Libre expression des groupes politiques. 2. Édito. Par Boris Travignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. À le lire. La poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant. Chaque mois, par l'intermédiaire de cet éditorial, je m'adresse directement à vous. Mais c'est la première fois, je crois, que j'ouvre cette fenêtre par une citation d'Arthur Rimbaud. Et à bien y réfléchir, je pense avoir eu tort de ne pas le faire avant. Je m'explique. Qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou pas son style, force est de constater que Rimbaud constitue une authentique icône, une figure littéraire majeure, une source d'inspiration mondiale et l'objet de débats encore aujourd'hui passionnés, comme n'en connaît aucun autre écrivain. Et cette ferveur est tout sauf déclinante. Chaque nouvelle génération d'artistes, que ces derniers soient français ou anglophones, fournit son lot de fans. Combien de villes, surtout de taille moyenne, ont la chance de posséder parmi leurs enfants une rockstar planétaire? J'en connais peu. C'est cette constatation qui m'a conduit, il y aura bientôt 10 ans, à imaginer une manière inédite de rendre hommage à notre poète. À sa personne, certes, mais surtout à ses écrits. Être la ville natale d'Arthur offre quelques privilèges, mais nous confère un devoir, celui de faire lire sa poésie. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours Rimbaud, ces fresques réalisées par des graffeurs de talent qui ornent désormais de nombreux murs de notre ville. Avec à chaque fois une unique obligation pour le créateur, mettre en valeur un écrit de Rimbaud, donc faire en sorte que la poésie rimbaldienne s'affiche en grand aux yeux de tous. On compte aujourd'hui une 20aine de ses œuvres. L'une des dernières en date, campée au bord de la voie rapide, ayant fait couler quelques litres d'encre ou de salive. Tant mieux, qui dit Rimbaud dit Charleville, et le programme aussi dense qu'éclectique concocté à l'occasion du 170e anniversaire de sa naissance va nous permettre une nouvelle fois de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Ainsi, la poésie n'aura pas chanté en vain. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 10 octobre à 18h30. 3. À la une. Poésie. Biennale des Ailleurs et 170e anniversaire de la naissance de Rimbaud. Le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud est appelé à faire date. Et la Biennale des Ailleurs qui lui est associée se veut tout à la fois populaire, festive, originale et diversifiée. Suivez le guide. Né le 20 octobre 1854 à Charleville, Arthur Rimbaud est sans contestation possible l'Ardennais le plus célèbre au monde. Il suffit de constater la frénésie qui règne à chacune des ventes aux enchères durant lesquelles sont dispersés des objets ou manuscrits rimbaldiens pour s'en assurer. Et à l'occasion du 170e anniversaire de sa naissance, notre star planétaire va une nouvelle fois se retrouver sous les feux de l'actualité. Cette année, avec cet anniversaire, la Biennale des Ailleurs va être d'une richesse rare, présente Nathalie Ropsy, l'adjointe à la culture. Pour rappel, cette biennale est destinée tous les 2 ans à célébrer la poésie sous toutes ses formes. À la base, La poésie ne constitue pas l'expression artistique la plus simple à diffuser auprès du public, reconnaît-elle. Notre rôle est donc justement de faire en sorte qu'elle devienne accessible partout et pour tous, que chacun puisse y trouver son compte et s'en imprégner à sa guise, à son rythme, comme il le sent. À la rencontre du public. Exceptionnellement, la Biennale va s'étendre sur 10 jours, du 11 au 20 octobre. Une décade entière durant laquelle l'enfant terrible de Charleville deviendra incontournable compte tenu du nombre et de la diversité des rendez-vous proposés. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de sortir des lieux convenus ou habituels pour aller à la rencontre des Carolomassériens, là où ils se trouvent, reprend Nathalie Ropsy. C'est dans ce même esprit que nous avions proposé des expos temporaires dans des supermarchés début 2021, une initiative remarquée qui nous avait permis de toucher un public qui ne met que trop rarement, voire jamais, les pieds dans un musée. À cette fin, une dizaine de rendez-vous sont prévus. En ville, dans les rues, dans des lieux improbables et inattendus. Vous trouverez ci-après une sélection, forcément arbitraire, de quelques-uns des temps forts de ce très riche programme. Programme qui demeure bien sûr consultable dans son intégralité en se rendant sur le site internet de la ville. Rimbaud en toute intimité. Les 170 ans de la naissance d'Arthur Rimbaud sont placés sous le signe de l'intime. Les 3 lettres manuscrites qui ont rejoint les collections du musée Rimbaud en février, 2 offertes par Pascal Urano et la 3e acquise par la ville, permettent en effet de pénétrer dans l'intimité du poète, de ses pensées. Le jumeau numérique de Rimbaud installé à la Maison des Ailleurs offre pour sa part aux visiteurs l'occasion d'interroger directement Arthur sur sa vie et son œuvre. Avec la Biennale, c'est une autre forme de proximité qui s'installe, avec une question posée à chacun d'entre nous. Quel est votre Rimbaud intime ? Participer au Rimbaud olympique. Incontournable les JO, surtout quand ils riment avec Rimbaud. Samedi 19 octobre à 17h, les amateurs de compétition, amicales, ont rendez-vous à la MCL, Ma Bohème, pour participer à la première édition des Rimbaud olympiques, avec pas moins de 170 questions sur Arthur. Nouvelles des musées. Exposition « Il est un autre, portrait de Rimbaud ». Cette nouvelle exposition est présentée à la Maison des Ailleurs du 12 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Le visage de Rimbaud est connu par quelques photographies le montrant enfant ou adolescent. S'y ajoutent 4 clichés pris en Afrique offrant une image peu lisible et de nombreux dessins satiriques réalisés par ses proches pour évoquer des aventures souvent imaginaires. Le mystère de ce visage, une vie tumultueuse à la fin tragique, couplée à une poésie révolutionnaire, ont contribué à faire d'Arthur Rimbaud un personnage iconique, symbole de jeunesse, de révolte, de modernité et de liberté. Un champ extrêmement vaste s'est ouvert pour les artistes. Avec près d'une centaine de portraits, des créateurs de toutes nationalités vous offrent un panorama des courants artistiques qui ont traversé les époques du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Avec eux, vous découvrez les recherches plastiques entourant le mythe Rimbaud et qui manifestent l'admiration, la fascination, voire l'idolâtrie d'un artiste pour l'œuvre ou la vie du poète. Ainsi, la poésie n'aura pas chanté en vain. Pour donner raison à la remarquable formule d'un certain Arthur R., voici résumé plusieurs autres rendez-vous à ne pas manquer. L'artiste autodidacte Catherine Lupis-Thomas se propose de distribuer en ville des affiches de Rimbaud punk créées en collaboration avec des lycéens carolomassériens. Dans le même cadre, un atelier participatif est programmé samedi 12 de 14h à 18h au musée de l'Ardenne. Au QG, mardi 15 à 18h30, le philosophe Gérard Lemarié débattra sur le thème « Rimbaud, la différence entre beau et sublime ». Mercredi 16 à 18h30, le QG poétique accueillera une conférence étonnante à 2 voix, celle de Sacha Thomas, peintre et écrivaine passionnée par Rimbaud, et d'Armelle Ringuedet, directrice de recherche au CNRS. Thème retenu, Rimbaud et les sciences. L'imprimerie librairie-galerie Arche Libris, place d'Arche, accueillera de son côté la poète franco-slovène Mateja Petiak-Petit. Cette dernière animera un concours de poésie. Les œuvres les plus abouties seront lues en public jeudi 17 à partir de 18h30. Christian Olivier, membre fondateur et chanteur des Têtes Raides, sera sur la scène du théâtre vendredi 18 à 20h pour un concert exceptionnel intitulé « Le ça et le ça ». À noter qu'il s'agit ici du seul spectacle payant de l'ensemble de la Biennale. Chacun poétise avec ce qu'il souhaite. Samedi 19 après-midi, un scripteur de sable déambulera dans les rues du centre de Charleville. À découvrir. 4. Actualité. Street Art. 2 nouvelles fresques pour le parcours Rimbaud. Et de 2 qui font 19. Comme chaque année, de nouvelles fresques viennent agrandir le parcours Rimbaud, composé d'œuvres de street art destinées à mettre en valeur les poèmes de l'enfant terrible de Charleville. Mais cette fois, Pour l'une de ces deux nouvelles compositions, ce n'est pas le mur d'une maison qui a été retenu, mais celui bordant la voie rapide sous le cimetière Saint-Julien. 3 semaines devaient être nécessaires au graffeur Jordan Arang pour illustrer la déclaration rimbaldienne « L'ennui n'est plus mon amour » qui apparaît dans « Une saison en enfer ». Le tout sur 150 mètres de long. De quoi attiser la curiosité de milliers d'automobilistes qui utilisent cet axe. Autre nouveauté de l'année qui devait apparaître toute fin septembre, une fresque réalisée cette fois sur le mur de l'immeuble situé au numéro 24 de l'avenue Jean Jaurès. C'est une artiste locale, Anaïs Lacombe, dite le grain d'Anaïs, qui a été choisie pour illustrer le poème « À la musique », extrait des cahiers de Douai. À noter que ce poème fait partie de ceux dont le musée Rimbaud conserve précieusement le manuscrit, et que certains de ses vers ne sont pas particulièrement tendres avec Charleville et ses mesquines pelouses. Sans rancune, Arthur. Ces deux nouvelles fresques portent donc à 19 le nombre d'œuvres composant le parcours Rimbaud. Pour rappel, voici la liste des réalisations précédentes avec l'artiste et leur emplacement. Voyelle par les services municipaux face au numéro 11 rue de l'Église. Ophélie par Disa rue Michelet. Ma Bohème par SMAC 3, 13 rue de Gonzague. Le Dormeur du Val par Rod au 120 avenue Boutet. Le Bateau Ivre par Polar au 16 rue Ledru-Rollin. Les Ponts de Sophie Canillac, 52 rue du Teux. L'Éternité par Miguel Douamaral-Coutigne au 23 rue Louis Fraison. Le Cœur Simplicier par Hardif au 21 rue Louis Fraison. Départ par Touchaille au 19 rue Louis Fraison. Sensation par Damien Oriot au 17 rue Louis Fraison. Enfance 1 par Trépide au 28 Courbriand 1 rue de Tivoli. Aube par le collectif Creative Color et des élèves du collège Scamaroni au 47 rue de Varc. Tête de faune par Russe rue des Champs face au parking Picasso. Première soirée de Nawel Grant aux 4 rue Hachette, Rêver pour l'hiver de Pauline Déas et les élèves de l'école Bayard aux 5 bis rue de Champagne, Roman par le collectif 7e gauche, place de Montcy-Saint-Pierre, et au cabaret vert par Smoka, avenue Louis-Tirman sur le lycée Monge. Vous pouvez retrouver tous les emplacements sur le site www.charleville-mézières.fr. Citoyenneté. Vote du budget participatif. Depuis le 1er octobre, il est possible de voter pour vos projets préférés dans le cadre du budget participatif. Pour voter pour votre idée préférée, 2 possibilités. En ligne jusqu'au jeudi 14 novembre sur la plateforme budget-participatif.charleville-mézières.fr via votre compte France Connect, ou en présentiel le samedi 16 novembre de 8h30 à midi à l'hôtel de ville de Mézières. Avant de vous déplacer, pensez à prendre une pièce d'identité. Les personnes non inscrites sur les listes électorales doivent également se munir d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Peuvent voter les carolomassériens âgés de plus de 16 ans. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. Politique de la ville. Renforcer l'accompagnement des enfants et des jeunes. En 2019, le quartier de la Ronde Couture a bénéficié de la labellisation Cité éducative. Au terme de la convention, le label a été renouvelé et même étendu au quartier de Manchester. Retour sur une expérimentation qui a fait ses preuves. La Cité éducative consiste à mettre en place des actions collectives en faveur des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans au sein des quartiers prioritaires. Démarche ambitieuse en matière de politique de la ville, l'expérimentation vise à intensifier l'accompagnement socio-éducatif de la naissance à l'insertion professionnelle avant, pendant, autour et après le temps scolaire. Depuis 2019, l'Alliance des acteurs éducatifs composée de la ville de Charleville-Mézières, des services de l'éducation nationale et de l'État a permis de réaliser des actions phares sur le quartier de la Ronde Couture. Ouverture de la microfolie, création d'un service d'aide aux devoirs, mise en place d'outils autour de la citoyenneté numérique, organisation de séances autour du vélo ou de l'aisance aquatique sont autant d'actions qui ont fait leurs preuves auprès des jeunes et de leurs familles. Bonne nouvelle, dans le cadre de la reconduction de la démarche, Cité éducative est étendue au quartier de Manchester depuis avril 2024. Une enveloppe de 900 000 euros sur 3 ans permettra de proposer au public des deux quartiers concernés des actions pour faciliter la réussite des enfants et des jeunes. Plus d'informations au 03 24 32 40 76. Vivre ensemble. Une campagne de communication pour lutter contre les incivilités. La ville de Charleville-Mézières lance dès ce mois d'octobre une campagne de communication pour sensibiliser à la lutte contre les incivilités. Une campagne déclinée en 6 visuels pour rappeler que la propreté d'une ville est avant tout l'affaire de chacun. Ensemble, nous avons tous à y gagner. L'idée de cette campagne est de pointer du doigt les mauvais comportements, sans stigmatiser de profils particuliers, et rappeler que nous avons tous, collectivement et individuellement, la responsabilité de la propreté de notre ville. Comme le dit ce touriste néerlandais à l'accent batave, rencontré au détour d'une rue, Charleville est une ville propre, avant de poursuivre avec un sourire non dissimulable. Je pense qu'il reste encore quelques petits réajustements à faire de la part des citoyens, et tout sera parfait. Voilà qui est encourageant. Jeter un mégot au sol, son mouchoir usagé ou des déchets, ne pas ramasser les déjections canines sont autant de situations qui ne dépendent que du civisme de chacun. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population afin d'éviter les sanctions. Ensemble, il est possible de créer un cadre de vie idéal. Commençons dès maintenant. Biodiversité. Permis de végétaliser. Charleville-Mézières souhaite encourager le développement de la végétalisation sur le domaine public en s'appuyant sur une démarche participative et l'implication des habitants. Vous souhaitez participer à la biodiversité en embellissant votre rue ou votre quartier? Le service Biodiversité Nature en Ville peut vous accorder un permis de végétaliser. En participant à cette démarche, vous embellissez notre ville tout en offrant refuge et source de nourriture à la petite faune, insectes, oiseaux. À vous de jouer! Plus d'informations en appelant le 03 24 32 40 99. Entretien. La ville prend soin de ses arbres. Charleville-Mézières s'inscrit depuis plusieurs années dans une volonté de développement durable et de respect de la biodiversité. Parmi les actions figure notamment une nouvelle gestion du patrimoine arboré. Objectif de cette gestion raisonnée: protéger les arbres par l'adoption de bonnes pratiques basées sur un savoir-faire et sur la connaissance physiologique de l'arbre. Ainsi, les tailles d'arbres dites drastiques ont cédé la place à des méthodes douces qui privilégient le port libre. En plus d'être plus esthétique, la taille douce a le double avantage d'être moins coûteuse et plus respectueuse du végétal. En pratique, la taille légère consiste notamment à éliminer certaines branches pour permettre aux autres de se développer correctement. En résumé, des arbres en bonne santé, c'est bon pour la photosynthèse, pour la biodiversité et pour la qualité de l'air. Cela permet également de profiter d'ombrage et de fraîcheur pendant les périodes chaudes de l'année. Côté calendrier, la taille des arbres est interrompue du 15 mars au 15 août, période de nidification. Un bon geste pour la nature. Chauffage urbain. Réseau de chaleur, les travaux d'extension s'achèvent. Depuis plusieurs mois, Charleville-Mézières est le théâtre de travaux d'envergure pour l'installation de son nouveau réseau de chaleur. Alors que la fin des interventions de l'extension du réseau se profile, retour sur les dernières étapes franchies, les opérations en cours et celles à venir. Les habitants de Charleville-Mézières voient progressivement la fin des perturbations liées aux travaux d'extension du réseau de chaleur qui modernisera le système énergétique de la ville. Ces interventions visant à assurer une alimentation plus écologique et économique sont en passe de s'achever. Début octobre, plusieurs zones clés ont vu leurs travaux se clôturer. Les équipes ont achevé les travaux rue d'Aubilly, rue de l'Église, ainsi qu'au niveau du chemin de Crompins. Par ailleurs, l'avenue Gambetta et la rue Lamartine, point stratégique du projet, ont également été rendus à la circulation. Le passage sous la Meuse, reliant le centre aquatique, intervention majeure du réseau, est toujours en cours. Les travaux à venir. Du 21 au 31 octobre, la rue Cardot connaîtra une fermeture temporaire dans le sens place des droits de l'homme vers la place Bozzi, ce qui permettra l'achèvement des dernières étapes du projet dans cette zone. Par la suite, d'autres chantiers seront ouverts pour le raccordement de nouveaux clients du réseau. Avec la fin des travaux imminentes, Charleville-Mézières s'apprête à entrer dans une nouvelle ère énergétique où le réseau de chaleur jouera un rôle central dans la réduction de l'empreinte carbone de notre ville. L'Union pour la santé bucco-dentaire déménage. Bien se nourrir, rencontrer au moins une fois par an son dentiste, se brosser les dents deux fois par jour, pendant 2 minutes minimum, voilà le style de conseil que l'antenne locale de l'Union française pour la santé bucco-dentaire prodigue à longueur d'année. Une antenne locale qui vient de déménager à la grande satisfaction de ses 14 praticiens. Spacieux, les nouveaux locaux situés au parc des expos vont leur permettre d'accueillir au mieux les jeunes ou moins jeunes du territoire pour poursuivre leurs actions de prévention et de sensibilisation. Plus d'infos sur le site internet www.ufsbd.fr. Tri. De nouveaux conteneurs pour vos biodéchets. Ardenne Métropole poursuit sa politique de sensibilisation auprès des usagers en leur offrant des solutions pratiques et adaptées pour les biodéchets, les points d'apport volontaires, PAV. Après les composteurs individuels, partagés ou collectifs, l'Aglo vient d'installer sur Charleville-Mézières 35 PAV sur l'espace public en accès libre. Ces points d'apport doivent permettre aux usagers de désengorger leurs poubelles de cuisine, de mieux trier et de réduire les coûts de traitement. Les PAV peuvent accueillir les mêmes déchets que ceux mis dans les composteurs partagés, mais aussi des viandes, poissons, les os et même les denrées alimentaires emballées. Où trouver le PAV le plus proche de chez vous? Vous souhaitez connaître le point d'apport le plus proche de chez vous? Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application Mes déchets Ardennes Métropole, téléchargeable depuis un smartphone, qui regroupe toutes les infos pratiques sur les déchets. Ou vous procurer un bio-seau. Pour faciliter l'apport de vos biodéchets jusqu'au conteneur le plus proche de chez vous, Ardennes Métropole vous offre un bio-seau. Pour le récupérer, il suffit d'appeler le service prévention et collecte des déchets pour convenir d'un rendez-vous. Avec Ardennes Métropole, jetons moins, trions plus. Plus d'informations au 0800 29 83 55. L'appel est gratuit et non surtaxé. Travaux. La rue de Mantoue ouverte à la circulation. Après plusieurs mois de travaux, la rue de Mantoue est de nouveau ouverte à la circulation. Fin septembre, l'éclairage public a été installé, permettant la réouverture du stationnement dans cette rue. Des travaux de finition restent à effectuer. Courant octobre et novembre, des poubelles, racks à vélo, bancs et plantations feront leur apparition sans perturber la circulation. Côté rue de Skirchen, des travaux sont en cours avec l'installation de conteneurs enterrés puis la réalisation de travaux de voirie. Ils s'achèveront début novembre. CCAS, un nouveau quartier adapté pour les gens du voyage. En mai dernier a été inauguré à Manchester un nouveau quartier destiné aux gens du voyage. Ce projet, porté par la ville de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole et le CCAS, a pour objectif d'offrir aux familles anciennement installées au Bois d'Amour un cadre de vie digne et de qualité, tout en les maintenant dans le quartier de Manchester où ils avaient leurs attaches. Il a pu bénéficier du soutien de différents partenaires. État, Fondation Abbé Pierre, CAF, Département des Ardennes et Agence Nationale de l'Habitat. Le projet repose sur 2 types d'aménagements pour lesquels les habitants sont tenus de payer un loyer et des charges. Les habitats adaptés, d'une part, et les terrains familiaux collectifs, d'autre part. Les habitats adaptés, au nombre de 6, sont des habitations sociales. Réalisées par la foncière Chénelet, elles sont économes en énergie et fabriquées à base de matériaux écologiques et locaux. Les terrains familiaux sont équipés de blocs sanitaires, d'un espace dédié à une caravane et d'un compteur individuel par parcelle. Afin de desservir les habitations, 2 nouvelles voies de circulation ont été créées, les rues Geneviève-Robida et Thérèse-Laloze. Depuis juin, 46 personnes, enfants et adultes, ont investi ce nouveau quartier pour y adopter un nouveau mode de vie, sans pour autant renier les origines et l'histoire familiale des gens du voyage. Bal d'automne des seniors. Les seniors seront heureux de se retrouver au son de valse, de tango ou de salsa pour le bal d'automne le jeudi 24 octobre à partir de 14h30 au parc des expositions avec l'orchestre Fabrice Lefebvre. L'entrée est gratuite pour les carolomassériens et de 10 euros pour les extérieurs. Elle se fait sans inscription. Plus d'infos au 03 24 32 45 57. 5. Rendez-vous. Culture. Nuit blanche. Une soirée à la découverte de l'art. Samedi 12 octobre, Charleville-Mézières se transforme en une immense galerie d'art à ciel ouvert. À l'occasion de Nuit blanche, la ville invite tous les curieux et amateurs d'art à un parcours artistique gratuit et inédit qui se tiendra de 19h à 1h du matin. Une vingtaine de propositions artistiques investiront les rues et des lieux insolites de la ville. Installations, spectacles de danse, œuvres interactives, expositions, concerts, performances vocales, pléthore de formes artistiques seront représentées pour offrir une expérience sensorielle unique. Les artistes locaux et internationaux présenteront des œuvres originales, pensées spécialement pour l'événement, qui accueille pas moins de 10 000 noctambules à chaque édition. Une déambulation artistique à travers la ville. Le parcours de Nuit Blanche sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir Charleville-Mézières différemment en accédant à des lieux d'ordinaire fermés à la nuit tombée. Les spectateurs pourront flâner à leur rythme, se laisser surprendre par les œuvres rencontrées et profiter de cet événement festif, familial et convivial. Parmi les temps forts, Évanescent proposait sur la place du Cal une sculpture temporaire immersive de lumière et de son qui vise à capturer le concept de l'éphémérité et de la fragilité de la vie à travers la forme de la bulle. Cette création de plasticien australien a été récompensée par le Grand Prix du public de la Fête des Lumières de Lyon 2023. La danse sera à l'honneur au TCM avec le spectacle hybride Reflet, séance à 19h et 22h, proposé par la compagnie Xianli, mêlant performance poétique et roller. Le foyer du théâtre, quant à lui, proposera Nettie Kafka de Dan Gregor, une œuvre surprenante réagissant au sens. Une soirée pour tous. Le musée de l'Ardenne accueillera le projet Massaria Incognita, une œuvre de papier qui se déploie en deux dimensions. Au travers de la composition, le spectateur est amené à réfléchir sur la relation entre nature et urbanité. L'œuvre se veut participative puisque vous pourrez venir ajouter votre propre maison à la ville de papier. Autre lieu, la cour de l'école Longueville-Flandre où sera présenté le projet Nix. Le spectateur pourra découvrir une machine écrivaine qui produira des textes poétiques lumineux à même le sol. Typotypex sera également l'un des autres temps forts de cette nuit exceptionnelle. Librement inspiré du poème Voyelle, le spectacle proposé au forum est un voyage graphique et poétique à travers les lettres du poème d'Arthur Rimbaud. Vous pourrez également croiser dans les rues de la ville une amicis d'un genre particulier puisque dotée d'un grain d'optimisme. Un véritable phénomène de rue rebelle qui flirte et joue avec les passants en leur faisant les yeux doux. De nombreuses autres surprises attendent les noctambules à l'occasion de cette nuit singulière, qui a été mentionnée comme la troisième manifestation préférée des carolos selon l'enquête publique de l'évaluation de la culture à Charleville-Mézières. Retrouvez l'intégralité du programme sur le site de la ville www.charleville-mézières.fr et dans les accueils mairies. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40. Musée de la ville accessible gratuitement et librement de 19h à 1h. Fête de la science. Plongée au cœur d'un océan de savoir. Du 4 au 14 octobre, la Fête de la science mettra le cap sur l'année de la mer et plongera les carolomassériens dans un océan de savoir avec de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous. À cette occasion, la MCL Mabohème deviendra l'auberge de la science, réunissant savoir-faire locaux et associations avec des réflexions portées sur l'eau, les milieux marins, la biodiversité et des sujets comme l'astronomie ou la météo. Au programme, des ateliers autour de la mer et de l'eau, des expositions sur le climat, la biodiversité, la lune, l'intelligence artificielle, la science-fiction et des conférences, dont Jurassic Park et les sciences par J.S. Steyer, le 8 octobre à 19h au Bateau Ivre. La fête de la science, c'est aussi dans d'autres lieux de la ville, comme la médiathèque Voyelle, l'EISINE de Charleville, département HSE de l'IET de Reims-Chalon-Charleville, les écoles. Pour plus d'informations, programme complet disponible sur fêtedelascience.fr, www.mclmabohème.com. Les Restos du Cœur en quête de nouveaux bénévoles. Les Restos du Cœur œuvrent depuis près de 40 ans pour apporter une aide alimentaire et un soutien global aux personnes en difficulté en favorisant l'insertion sociale et professionnelle. Pour continuer leur mission, ils lancent un appel à ceux qui souhaitent s'engager dans diverses activités comme l'accueil des familles, la gestion des stocks ou l'animation d'équipes. Les centres étant ouverts en journée, des bénévoles disponibles sont particulièrement recherchés. Pour en savoir plus, rendez-vous aux portes ouvertes le 12 octobre au siège de l'association à Villers-Semeuse. Pour s'engager, envoyez un courriel à l'adresse suivante ad08.benevola@restoducoeur.org. Solidarité, Octobre Rose à Charleville-Mézières. La ville s'engage dans la campagne Octobre Rose destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Tour d'horizon des actions carolo-mossériennes. Charleville-Mézières et ses nombreux partenaires se mobilisent durant tout le mois d'octobre contre le cancer du sein. Parmi les événements à ne pas manquer ce mois-ci, rendez-vous samedi 12 au campus Supardenne pour la course solidaire Pink Camp Run, vendredi 25 au parc des expositions pour la soirée Pink Casino inédite, organisée par KPMG en partenariat avec les Flammes de Cœur, et samedi 26 pour la traditionnelle vente caritative Place du Cal. Durant tout le mois, de nombreux partenaires privés et publics seront mobilisés. Opération Boîte Rose chez les commerçants, expo photo chez les bailleurs en lien avec les centres sociaux, point d'information et dépistage au centre hospitalier en partenariat avec la Ligue contre le cancer et l'IFSI. Comme chaque année, les façades de la cité de Gonzague s'illumineront de rose, de Mézières à la place du Cal, où trônera un jardin paré de roses. Dans la matinée du mercredi 16 octobre, les enfants des accueils de loisirs du mercredi accrocheront leur création au kiosque du square de la gare pour rappeler aux carolo-massériennes ou voyageuses de passage l'importance de se faire dépister. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 61, https://dépistagecancer-ge.fr. Vie commerçante. Ne manquez pas l'incontournable braderie d'automne. Les vendredis 8 et samedi 9 novembre, flânez au cœur du centre-ville et du cours Briand pour dénicher de bonnes affaires parmi les étals de plus de 200 exposants. La journée du vendredi sera consacrée uniquement aux commerçants sédentaires et le samedi, les camelots viendront prendre part à l'événement au cœur du centre-ville. Mode, accessoires, décorations, bijoux, gourmandises, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. École de théâtre Ludus. 4 en 1, le théâtre à la puissance 4. Charleville-Mézières se positionne plus que jamais comme une ville culturelle en proposant cette saison le projet 4 en 1. Un bouquet de 4 pièces de théâtre proposées par la même troupe, par le même metteur en scène, et dont 3 ont été écrites par des Ardennais, tous élèves de l'école Ludus. Musique, marionnettes, TCM, la ville foisonne d'acteurs artistiques qui s'expriment au quotidien. Le théâtre n'est pas en reste avec l'école Ludus et son annexe Ludus Spectacle, qui propose cette saison une offre théâtrale insolite 4 en 1, dont la vocation est de créer une arche culturelle entre les deux piliers artistiques que sont le Festival mondial des théâtres de marionnettes et le Cabaret Vert, explique Bruno Nion, directeur de Ludus et metteur en scène. Innover, surprendre, séduire, respecter le public et les artistes, telle est la ligne de conduite de cette troupe école qui, pour 2024-2025, respecte cette stratégie d'étonner et de surprendre le public par une offre artistique ambitieuse. Cette manifestation entend plaider et démontrer l'énergie de l'ensemble des acteurs culturels qui confèrent à notre ville le statut de ville artistique, assure Bruno Nion. Ce 4 en 1 a débuté le 5 octobre avec la balade de Jadin de Victor Jadin. Il se poursuivra le vendredi 29 novembre à 20h au Forum avec 17 HMC ou la folle journée de Pascal Froissart, et dont les bénéfices seront reversés à l'association Centre Ressources 08. Le jeudi 19 décembre au TCM à 20h avec Mal de mer de Valérie Lombard et se conclura en apothéose le samedi 17 mai 2025 au Forum à 20h avec Bouquet de printemps poétique par la troupe de Ludus. Tarifs 5 euros et 10 euros, réservation au 06 26 68 21 03 et billetterie sur place le soir des spectacles dès 19h. Fête foraine d'automne. Jusqu'au 20 octobre, la fête foraine s'invite au parc des expositions. Les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur parmi les nombreux manèges présents. Mais la fête foraine, c'est aussi un moment pour les enfants, l'occasion de déguster des douceurs sucrées et salées, de gagner des peluches, en résumé de passer du bon temps en famille ou entre amis. Un feu d'artifice est programmé le vendredi 11 octobre à 22h30. Le jeudi 10 octobre à 14h30, les enfants en situation de handicap des différentes structures des Ardennes sont invités à un après-midi récréatif. Tour de manège, friandises gratuites et peluches offertes par les industriels forains. Un goûter sera offert par la ville pour conclure la journée. Ouverture de la fête samedi 5 octobre à 14h. Tarifs réduits les mardis soirs à partir de 17h et les mercredis toute la journée. Pour plus d'informations, retrouvez l'ensemble des horaires sur www.charleville-mézières.fr. 6. Info pratique. assister au conseil municipal. Le savez-vous? Les séances du conseil municipal de la ville de Charleville-Mézières sont ouvertes au public. Les prochaines séances se dérouleront les jeudis 10 octobre, 21 novembre et 19 décembre à 18h30 à l'hôtel de ville de Mézières. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Sachez que l'intégralité des débats est retransmise en direct sur la page Facebook officielle de la ville de Charleville-Mézières. www.facebook.com/ville.charleville-mézières et sur le site internet www.charleville-mézières.fr. Permanence du maire. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, vous accueille à sa permanence en mairie, place Ducale, tous les vendredis de 7h à 13h. Celle-ci se fait uniquement sur rendez-vous, par téléphone au 03 24 32 40 46 ou au 03 24 32 40 22 du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Ou bien par courriel à permanence@mairie-charleville-mézières.fr. Avec en moyenne 30 personnes reçues chaque semaine, Boris Ravignon célébrait en avril dernier les 10 ans de sa permanence avec près de 13 800 personnes reçues, et ça continue. Entretien des voies publiques. Avec l'arrivée de l'automne, le Carolomag vous rappelle que, même si le nettoiement des voies publiques est régulier, les habitants doivent balayer les feuilles mortes devant leur logement, qu'ils soient propriétaires ou locataires, et ce, afin notamment d'éviter un accident. Par ailleurs, pour éviter l'émission de polluants atmosphériques et les troubles de voisinage, brûler des déchets verts ou des biodéchets à l'air libre et dans les incinérateurs est interdit. Pour vos biodéchets, pensez au composteur ou au PAV. Horaires d'hiver. En cette fin d'année, certains équipements ont changé leurs horaires. Petit rappel. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars, le parc animalier de Charleville-Mézières est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30 et est fermé le jeudi. L'entrée est gratuite pour tous. Les cimetières Carolo sont également passés à l'heure d'hiver et sont ouverts de 8h à 17h depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars. Cimetière Boutet, dans le cadre de travaux sur le portail principal, l'entrée piéton et voiture se fera uniquement par le deuxième portail, situé rue du Docteur Baudouin, pendant la période du 8 au 28 octobre. Enfin, les musées Carolo vous accueillent jusqu'au 30 avril aux horaires suivants. Du mardi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30. Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30. Les musées sont fermés le lundi. La Maison des Ailleurs sera exceptionnellement fermée du 8 au 11 octobre pour le montage de la nouvelle exposition temporaire. Réouverture aux horaires habituels le samedi 12 octobre. À noter que les déchetteries du réseau communautaire passent également en horaires d'hiver à compter du 28 octobre. Retrouvez tous les horaires sur ardennes-métropole.fr. 7. Agenda. Devenez bénévole pour la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française recrute un trésorier bénévole pour le mandat 2025-2030, formation assurée pour ce poste. Contactez l'antenne locale par téléphone au 03 24 56 01 75 ou par courriel sur dt08@croix-rouge.fr. 6e édition de la course et marche mouvement. Le CLSM et l'hôpital Bel Air organisent la 6e édition de leur course et marche mouvement le samedi 12 octobre. Course de 4 ou 8 km, départ 10h, tarif 4€. Marche de 4 ou 8 km, départ 13h, tarif 2€. Ces deux manifestations se dérouleront dans le parc de l'hôpital de Bel Air et sont destinées à déstigmatiser les maladies mentales. Que vous soyez marcheur ou coureur, participez à cette belle journée de rencontre. Les non-sportifs pourront profiter d'une visite du château Renaudin. Un espace enfant est organisé pour les 3-8 ans. Avec fierté, bienveillance et motivation, changeons le regard sur la santé mentale. Courons ensemble pour la déstigmatisation et faisons de cette journée une fête du sport. Inscription sur place pour la marche est sur ledossard.com jusqu'au 9 octobre et sur place avec certificat médical. TCM, Théâtre Charleville-Mézières. Un jour, tout s'illuminera. Mercredi 9 octobre, 20h, Théâtre Compagnie 3e génération. Dans une ville du nord de la France, deux jeunes femmes sont suspectées du meurtre de leur voisine. Adapté d'un documentaire aujourd'hui interdit à la diffusion, Un jour tout s'illuminera met en lumière un fait divers bouleversant. La compagnie 3e génération joue sur le langage des corps et nous invite ainsi à observer l'écart entre ce que les personnages disent et la façon dont ils agissent. Cette mise en scène particulière nous pousse à réfléchir et à participer à l'enquête. Sombre et lumineux, sordide et merveilleux, ce spectacle renversant allie avec brio gestes et paroles. Mercredi 9 octobre, 19h15. Au foyer du TCM. Apératif musical autour de Un jour tout s'illuminera, un voyage dans l'univers des films policiers, gratuit sur réservation, en partenariat avec le CRD. Jeudi 10 octobre, 19h30, au cinéma Métropolis. Projection autour de Un jour tout s'illuminera, Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin. Tarif en vigueur, réservation auprès du Métropolis. Reflet, samedi 12 octobre, 19h et 22h, danse compagnie John Lee. Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hip-hop et des arts visuels, Reflet entraîne le public dans un univers minimaliste et sensoriel. En apesanteur sur ses rollers, Xuan Li, champion de freestyle slalom, nous emporte dans un flux d'énergie intense et méditatif. Rejoint sur scène par Shiya Peng, le duo poétique reflète la fragilité de deux corps qui se rencontrent. Une performance poétique mêlant danse et rollers tout en légèreté. Gratuit sur réservation dans le cadre de Nuit Blanche. Le Ça et le Ça, vendredi 18 octobre 2024, 20h. Concert Christian Olivier, tête raide. Toute l'émotion et l'exaltation d'une révolution mise en partage, Christian Olivier, artiste aux multiples facettes, poète notamment, revient après le succès Prévert avec Yolande Moreau présenté au TCM, dans un concert rock qui associe les morceaux de son dernier album solo, Le Ça et Ça, et des morceaux des têtes raides. Au plateau, 5 musiciens exceptionnels et des projections d'images issues de la Révolution russe. Le résultat, à la fois magnifique et plein d'énergie, rend un hommage musical à 12 poètes du Panthéon russe. Dans le cadre des Ailleurs, en partenariat avec le musée Rimbaud. Étape de travail, les enfants. Vendredi 25 octobre, 17h30, atelier Compagnie Galilée. La Compagnie Galilée dirigée par Nicolas Murena est en résidence du 21 au 25 octobre au TCM. Originaire de Reims, elle esquisse les traits d'un spectacle portant sur la question de la solidarité des générations face à la crise environnementale. Durant ce temps de travail, il s'agit de dégager les principaux enjeux des scènes, mais aussi de réfléchir au décor, éco-conçu. Il s'agit de l'adaptation du texte contemporain de Lucie Kerwook, à l'humour noir et acéré, dont la création est à découvrir le mercredi 5 février au TCM. Gratuit sur réservation. École nationale supérieure des arts de la marionnette. Rencontre. Yakudaku, le mythe japonais du premier marionnettiste. Rencontre à propos de la manipulation traditionnelle au Japon avec Simon Moer, metteur en scène et acteur marionnettiste, diplômé de la 8e promotion de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, ESNAM, qui a mené plusieurs travaux de recherche artistique au Japon. Vendredi 11 octobre à 18h, durée 1h30, à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, 16 avenue Jean Jaurès, Charleville-Mézières. Entrée libre. Réservation au 03 24 33 72 50. Bienvenue aux 16 étudiants de la 14e promotion de l'ESNAM 2024-2027, accueillis à l'école le 9 septembre. Une rentrée pensée pour leur permettre de participer à Tandem, événement interfestival mondial des théâtres de marionnettes qui mettait à l'honneur l'ESNAM. Découvrez-les sur www.marionnette.com, rubrique formation, étudiants-étudiantes. 1000 premiers jours, point lecture pour tous de Manchester. Massage bébé, mardi 8 octobre de 15h à 16h, de la naissance à 12 mois. Signe avec bébé, vendredi 11 octobre de 9h15 à 11h15, de la naissance à 3 ans. Chant prénatal, mardi 15 octobre de 9h à 10h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Chanter, bouger, danser, mardi 15 octobre de 10h à 11h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Kamishibai, mardi 22 octobre de 10h à 11h, de 15 mois à 3 ans. Marionnettique, vendredi 8 novembre à 9h et à 10h30 de 6 mois à 4 ans. Bibliothèque Porte-Neuve. Chant prénatal, jeudi 10 octobre de 17h à 18h, deuxième mois de grossesse jusqu'au troisième mois de naissance. Baby Yoga, samedi 12 octobre de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15 de 3 mois à 3 ans. Futurs parents, mode de garde, mardi 15 octobre de 9h à 11h, parents et enfants. Lire, mercredi 16 octobre de 9h30 à 10h30 de la naissance à 3 ans. Portage bébé, vendredi 18 octobre de 9h15 à 11h15 de la naissance à 3 ans. Lecture musicale, samedi 19 octobre de 10h à 12h de la naissance à 3 ans. Batch cooking, samedi 19 octobre de 15h à 17h. Parents, il est préférable de venir sans bébé. Art thérapie, mardi 22 octobre de 9h30 à 10h30. Parents, il est préférable de venir sans bébé. Futurs parents, prévention maternité, mardi 5 novembre de 9h à 11h, parents et enfants. Marionnettique, samedi 9 novembre à 9h30 et à 11h, de 6 mois à 4 ans. Info et réservation 03 24 32 44 96 ou 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Attention, place limitée pour certains ateliers. Rendez-vous sur les différents marchés de la ville. Marché de la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Marché de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Marché de Mohon, les vendredis de 8h à 13h. Marché des producteurs de pays, place du Cal, vendredi 11 octobre de 15h à 19h. Marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville, vendredi 18 octobre de 15h à 19h. Marché des petites bulles de créateurs, dimanche 13 octobre de 10h à 18h au marché couvert. Octobre, vendredi 4 au lundi 14 octobre, la fête de la science, MCL Ma Bohème, médiathèque Voyelle et Campus Sup, Ardennes. Vendredi 4 au jeudi 17 octobre, exposition Salon d'automne, Union artistique des Ardennes, espace Le Bon, rue du Petit Bois. Samedi 5 au dimanche 20 octobre, fête foraine d'automne, parc des expositions. Lundi 7 au dimanche 27 octobre, expo photo Arar, Jean-François Faure, centre social et culturel André Dautel. Vendredi 11 octobre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place du Cal. Vendredi 11 au dimanche 20 octobre, Biennale des Ailleurs, dans toute la ville. Vendredi 11 et samedi 12 octobre, 19h30, concours de belote, salle arc-en-ciel, 0601 71 51 19. Samedi 12 octobre, nuit blanche, dans toute la ville. Samedi 12 octobre au 5 janvier 2025, il est un autre, portrait de Rimbaud, exposition Maison des Ailleurs. Samedi 12 octobre, Pink Camp Run, au campus, dans le cadre de l'Octobre Rose. Samedi 12 octobre à 10h et 14h, marche-mouvement, départ, parc de l'hôpital de Bel Air. Samedi 12 octobre, concert, 29e nuit du jazz, 75 Forest Avenue. Dimanche 13 octobre, de 10h à 18h, marché artisanal des petites bulles de créateurs, marché couvert, boutique sous la halle, place Nevers. Mardi 15 octobre à 19h30, projection du film documentaire Toxicity, François-Xavier Destor et Alfonso Pinto, cinéma Métropolis. Mercredi 16 octobre à 17h30, Café d'œil au Seven Café, organisation Gelmalve. Jeudi 17 octobre de 14h à 16h, Café des aidants, petit remède entre aidants, handicap, 10 Avenue Forest. Vendredi 18 octobre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 19 octobre au 7 septembre de 14h à 18h, exposition Totem, Blandine Titeux, galerie caractère, place d'Arche. Samedi 19 octobre à 13h30, lecture en marchant, départ de la tombe de Rimbaud, arrivée librairie à livre ouvert. Samedi 19 octobre à 20h, concert MCL Ma Bohème, Red Rocket 7, Jungle Shakers, Nozokomi, The Sleeping Kangaroos. Dimanche 20 octobre à 17h, concert, orgue de Festival International, Michel Boursier, Basilique Notre-Dame d'Espérance, entrée libre, libre participation aux frais. Mardi 22 octobre 14h30, visite guidée du Beffroi, départ office de tourisme. Jeudi 24 octobre 14h30, bal d'automne des seniors au parc des expositions. Vendredi 25 au dimanche 27 octobre, foire aux livres, salle Nevers, le vendredi 13h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h. Vendredi 25 et samedi 26 octobre 14h30, visite guidée du Beffroi, départ office de tourisme. Vendredi 25 octobre 18h, conférence Histoire de raconter, André Jacquemart, musée de la Reine, entrée libre. Vendredi 25 octobre 19h, Pink Casino, parc des expositions. Novembre. Samedi 2 et dimanche 3 novembre, salon du mariage, parc des expositions. Dimanche 3 novembre de 10h à 18h, marché artisanal des petites bulles de créateurs, marché couvert, boutique sous la halle, place Nevers. Vendredi 8 et samedi 9 novembre, braderie d'automne. Le forum, concert, samedi 2 novembre, 20h. Premier concert avec le Chien Rouge, en trio, qui viendra distiller sa tambouille rock bien pimentée, agrémentée de boucles électro pour dynamiter des classiques et ses compositions entêtantes. Suivront Dalton, qui quelque part entre les Little Rabbits et Philippe Catherine ont trouvé la recette pour aligner en français des tubes où la nonchalance et le cool se côtoient pour pimenter vos plats de danse. Enfin, La Poison clôturera en vous proposant à dessert son disco rock sans sucre ajouté et sans arsenic, mais non sans maquillage, qui vous permettra de retrouver la ligne, le temps d'un show poisseux et ultra dansant dans la veine des B52 et des premiers albums de Gossip. 12€ l'entrée, réservation 06 01 48 79 20. Par mail tsk.band@gmail.com ou sur internet https://mygwevezevent.com/concert-le-forum-2-novembre-2024-la-poison-dalton-le-chien-rouge. Ligue contre le cancer, permanence de proximité, 19-21 avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-Mézières, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 8. Sport. Basket. Venez faire briller l'étoile en N1 à l'Arena. Deuxième de sa poule en N2 la saison dernière, après avoir terminé l'exercice en trombe, 8 succès de rang, et passé la barre du millier de personnes à 8 reprises d'affilée, l'étoile a été tardivement récompensée de ce renouveau. En raison des difficultés financières connues par de nombreux clubs de Jeep Elite, Pro B et N1, la FFBB a en effet proposé à la mi-juillet au club ardennais une montée à l'étage supérieur. Un cadeau empoisonné, mais l'étoile a décidé de relever ce challenge difficile, pérenniser cette place en National 1. Maintenant, les hommes de Jimmy Plogertz vont devoir répondre à un tout autre défi. Laisser 4 clubs derrière eux à la fin de l'exercice. Et cela en figurant au milieu de grosses villes françaises, Lyon, Toulouse, Avignon, Rennes. Mais le petit poussé ardennais compte malgré tout tenir son rang dans cette division aidé de ses 3 recrues, le Serbe Nemanja Kovanusic, Johan Klett et Roser Malonga. Les prochains matchs à la Guinguette Arena à 20h auront lieu le samedi 12 contre le Havre, le mercredi 23 contre Avignon, le vendredi 1er novembre contre Berck et le vendredi 8 novembre contre Loon-Plage. Handisport National 3, le retour de l'étoile. Excellente nouvelle, cette saison, le maillot de l'étoile brillera de nouveau sur les terrains du championnat de France de National 3 de basket fauteuil, Handi Basket. Et ce mois-ci, vous aurez l'occasion de les voir jouer à 2 reprises face à Handisport Orléans, dans le Loiret, et Paris Basket, de Paris. Les 13 et 20 octobre, à partir de 15h, salle Dubois-Crancé. Ils méritent vos encouragements. Bodybuilding naturel. Deuxième mondial pro pour Guillaume Ambroise. Après avoir décroché une carte pro lors du concours de Mister Univers qui se déroulait en Corée du Sud en juin 2023 et obtenu une 6e place lors de son tout premier mondial chez les pros en novembre dernier, le bodybuilder Carolo Guillaume Ambroise part cette fois-ci à la conquête d'un titre à l'occasion des World Natural Games qui se dérouleront du 1er au 3 novembre à Canberra en Australie. Bonne chance Guillaume. Escrime, les Carolo au sommet de leur art. Du championnat des Ardennes au championnat du monde M20, le cercle d'escrime de Charleville-Mézières, CECM, a été présent sur tous les fronts et a vu, pour la toute première fois de son histoire, ses 3 équipes seniors, une féminine, accéder à la N1, équipe 1, et la N2 pour l'équipe 2 masculine. Un exercice 2023-2024 exceptionnel avec un total de 45 sélections en équipe nationale et surtout la médaille de bronze obtenue par Roman Fraboulet lors de l'Euro M17 disputé à Naples en Italie. Sur le plan national, le club a signé un record d'obtention de médaillés, 17 au total, et est devenu, en toute logique, le premier club du Grand Est en sabre avec 12 titres remportés, 31 médailles. Toutefois, cette saison 2024-2025 sera celle de la transition sur le plan international, puisqu'entre autres Romain Fraboulet, Éloane Evenot et Titouan Chauvel arrivent chez les juniors. En revanche, on va attendre beaucoup de Lucas Guillet, chef de file Carolo, qui, lui, disputera sa troisième et dernière saison, toujours chez les juniors. Aussi, par équipe, afin de jouer un rôle en N1, le CECM va chercher à se renforcer, mais là, rien ne presse, car il ne faudra pas se tromper sur le tireur. En attendant, il est déjà temps de peaufiner sa préparation, car se profile, les 19, 20 et 21 octobre, le premier circuit national, catégorie M17 à senior, programmé à Brest, dans le Finistère. Plus d'informations au 06 62 66 68 85 ou sur le site escrime-charleville-mézières.fr. Agenda sportif. Basketball féminin. Vendredi 11 octobre à 20h, les Flammes reçoivent Roche-Vendée à la Guinguette Arena. Samedi 12 octobre à 17h15, les Flammes N2 reçoivent Dijon, Salle Bayard. Samedi 2 novembre, deux matchs. À 16h15, les Flammes N2 reçoivent Villeneuve-d'Ascq à la Guinguette Arena. Et à 20h, les Flammes reçoivent Montpellier à la Guinguette Arena. Football. Le dimanche 13 octobre à 15h, Municipaux Cheminots reçoit Charleville Franco-Turc au complexe Robert Emler, match de D1. Le samedi 19 octobre à 18h, LOCPAM National 3 reçoit Drancy au stade du Petit Bois. Dimanche 20 octobre à 10h, Municipaux Cheminots reçoit Douzy B au stade Pierre de Coubertin, match féminine à 8 départemental. Dimanche 27 octobre à 15h, LOCPAM B reçoit la Neuvillette au stade du Petit Bois, match de R2. Municipaux Cheminots reçoit Rethel B au complexe Robert Emler, match de D1. Et Charleville Franco-Turc reçoit Bourg-Rocroi au stade Salengro, match de D1. Enfin, dimanche 3 novembre, deux matchs. À 10h, Municipaux Cheminots reçoit Bonny au stade Pierre de Coubertin, féminine à 8, départementale. Et à 14h30, l'Entente sportive reçoit Sedan Torcy au stade Salengro, match de R3. Hand. Samedi 12 octobre, à 18h, Charleville-Mézières Handball reçoit Épernay, équipe féminine. À 20h, Charleville-Mézières Handball reçoit Bonny au gymnase du campus Sud-Ardennes. Hockey sur glace. Samedi 16 novembre à 17h30, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Dunkerque à la patinoire Elena Isachenko. Rugby, dimanche 20 octobre à 15h, Ardennes Rugby reçoit Thionville à la Varenne, match de R2. Tennis de table, samedi 19 octobre à 16h, salle Rennes-Bestel, KMAT 2 reçoit Haguenau-Wissenburg 4. KMAT 3 reçoit Strasbourg 3. KMAT 4 reçoit Bazeille 1. KMAT 5 reçoit Nouzonville 1. KMAT 6 reçoit Bazeille 4. KMAT 7 reçoit Goetinque 3. Et enfin boxe, samedi 19 octobre à 19h à la Salle Bayard, gala de boxe. Yoni Valverde contre Kevin Baldospino et Justine Lallemand contre Ivanka Ivanova. 9. Histoire. Héritage. Octobre 1970, le manuscrit de Promontoire entre dans les collections de la ville par Florence Simonet, de la Société d'histoire des Ardennes. L'aube d'or et la soirée frissonnante trouvent notre brique en large en face de cette villa et de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou que l'Arabie. Cette invitation au voyage qui mobilise notre imaginaire méditerranéen et oriental constitue la première phrase du poème Promontoire des Illuminations. Le manuscrit de ce poème a une histoire particulière, puisqu'il est un des premiers textes de Rimbaud à avoir appartenu à un Ardennais, le docteur Guélio, et à être entré dans les collections municipales. C'était il y a 54 ans. Jusqu'en 1886, le feuillet de Promontoire suivit les mêmes tribulations que le reste du dossier des Illuminations confié par Rimbaud à Verlaine lors de son passage à Stuttgart en 1875. La pièce, à partir d'une transcription parfois fautive du manuscrit, fut publiée dans la livraison numéro 7 de La Vogue du 13-20 juin 1886, en même temps que d'autres poèmes inédits. Lors du partage des manuscrits des Illuminations qui se fit en juin 1886 entre Gustave Kahn et Léo Dorfer, Promontoire échut au second, qui les prêta à Charles Groslot, lequel les vendit à Léon Vanier. Le partage de 1886 et les reventes successives expliquent la dispersion actuelle des différentes pièces des Illuminations. En 1892, le docteur Octave Guéliot, 1854-1943, natif de Vouziers et grand collectionneur de documents relatifs à sa région natale, acheta à Léon Vanier le manuscrit de Promontoire à des conditions que nous ne connaissons pas. Cette cession est singulière puisque, du lot de gros lots acquis par Vanier, il est le seul à ne pas être passé des mains de Vanier, soit dans la collection du docteur Lucien Gros, soit à Albert Messin, le successeur de Vanier. C'est que non paginé, il faisait figure de document secondaire par rapport à une copie allographe utilisée pour l'édition de La Vogue. Pendant 40 ans, le manuscrit de Promontoire est resté dans la collection d'Octave Guéliot sans être autrement connu du public. Néanmoins, dans la revue La Grive de juillet 1933, le docteur Guéliot fit reproduire en fac-similé sur la première page son manuscrit de Promontoire avec la mention « Autographe Ardennais », collection du docteur Guéliot. Tout de né en 1854, Arthur Rimbaud est mort en 1891. Le docteur Guéliot mourut le 24 octobre 1943 à La Brodière dans la Creuse, où il avait trouvé refuge auprès de sa fille et de son gendre. Dès la fin de la guerre en 1945, la fille du docteur Guéliot, Françoise Martin Guéliot, donna aux archives départementales des Ardennes les manuscrits et la bibliothèque locale de son père. Elle en accepta l'exemplaire de l'édition Vanier des œuvres de Rimbaud dans lequel avait été relié le manuscrit de Promontoire. Mais le livre, par son testament de 1964, devait revenir à la ville de Charleville-Mézières. Françoise Martin Guéliot mourut à Paris le 28 avril 1969. Saisi par le maire André Lebon, le conseil municipal de Charleville-Mézières accepta, avec reconnaissance, le legs par une délibération du 23 juin 1969. Le maire de Charleville-Mézières écrivit le 5 décembre 1969 à maître Herviot, notaire à Magny-en-Vexin, pour lui demander de se rapprocher de Stéphane Toth, le bibliothécaire de la ville, pour l'exécution du legs. La presse locale se fit écho de la générosité de la famille Guéliot et du legs, qui fut concrétisée au mois d'octobre 1970, 100 ans après la fugue de Rimbaud à Charleroi et à Bruxelles. L'Ardennais explique « Ce volume, en lui-même fort intéressant et d'une très belle qualité tant du papier que de la reliure en cuir fin jaune, présente la particularité de contenir, collé dans les premières pages, un manuscrit autographe de Rimbaud intitulé « Promontoire ». Ce document unique ira au fond Rimbaud de la bibliothèque municipale, où le rejoindront peut-être d'autres autographes du poète, afin de pouvoir constituer, nous le souhaitons, un monument Rimbaud dans cette ville qu'il jugea comme supérieurement idiote parmi les petites villes de province et qui a déjà prouvé que l'ingratitude n'était pas son fort. Le manuscrit de Promontoire était la première œuvre littéraire du poète à entrer dans les collections de la ville de Charleville-Mézières. Le musée possédait déjà quelques souvenirs, comme le madras d'Arthur Rimbaud, acquis en 1967, et des lettres. Le legs de la fille du docteur Guéliot venait opportunément enrichir les collections du musée et il fallut attendre l'acquisition du sonnet voyelle en novembre 1982 pour retrouver la même effervescence autour du fonds Rimbaud de la ville de Charleville-Mézières. Le manuscrit de Promontoire, auquel fut attribuée la cote AR 280-54, fut alors assuré à hauteur de 20 000 francs. Le manuscrit de Promontoire était encarté dans un livre de bibliophile, un des 25 exemplaires imprimés sur Hollande de l'édition Vanier, 1892, des Illuminations et d'une saison en enfer. La page de faux titre du livre est de surcroît ornée d'aquarelles dues à Henri Somme, 1844-1907, pseudonyme d'un peintre et illustrateur originaire de Rouen qui tient une place très honorable dans la graphie des mœurs de la fin du XIXe siècle. À travers les aquarelles qui ornent le faux titre de l'édition Vanier du docteur Guéliot, plus que les thèmes chers à Rimbaud déployés dans les Illuminations et une saison en enfer, nous sont montrées des visions propres à Henri Somme, inspirées par le titre des deux recueils. En haut, un diable assis et cornu représente l'enfer. En opposition, une femme à la longue chevelure rousse nouée dans le dos tient un lampion ou une lanterne. En bas, notre vision. Femme dans un fauteuil. Foule révoltée. Jeune homme prostré. Ici et là, d'autres diablotins. Le détail offre certes quelques résistances à l'interprétation, mais le dessin général de l'artiste semble avoir été de présenter sur une même page avec succès et un sens certain de la suggestion allégorique, une imagerie qui évoque à la fois l'enfer de la saison et la lumière des illuminations. Pour une meilleure conservation, le feuillet de promontoire encarté dans l'édition Vanier du docteur Guillot a été débroché et est maintenant conservé à plat et séparé des aquarelles. Le legs Martin Guillot de 1970 comportait en réalité trois dons de valeur. Un manuscrit autographe de Rimbaud, une édition rare des œuvres du poète et des aquarelles uniques d'Henri Somme. De sorte que les Carolo Masseriens, bénéficiaires de ce don, ont trois raisons de ne pas oublier la générosité de la donatrice. Promontoire par Arthur Rimbaud, Illumination. L'aube d'or et la soirée frissonnante trouvent notre brique en large en face de cette villa et de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou que l'Arabie. Des fanums qu'éclairent la rentrée des théories, l'immense vue de la défense des côtes modernes, des dunes illustrées de chaudes de fleurs et de bacchanales, de grands canaux de Carthage et les embankements d'une Venise louche, de molles éruptions d'Etna et des crevasses de fleurs et d'eau des glaciers, des lavoirs entourés de peupliers d'Allemagne, des talus de parcs singuliers penchant des têtes d'arbres du Japon, et les façades circulaires des Royals ou des Grands, de Scarborough ou de Brooklyn. Et leur railway flanque, creuse, surplombe les dispositions de cet hôtel, choisi dans l'histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions de l'Italie, de l'Amérique et de l'Asie, dont les fenêtres et les terrasses, à présent pleines d'éclairage, de boissons et de brises riches, sont ouvertes à l'esprit des voyageurs et des nobles, qui permettent, aux heures du jour, à toutes les tarentelles des côtes, et même aux ritournelles des vallées illustres de l'art, de décorer merveilleusement les façades du palais. Promontoire. 10. Expression politique. Soigner les Ardennais dans les Ardennes, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Ne nous voilons pas la face, la santé de la population ardennaise est préoccupante. L'espérance de vie est plus faible dans les Ardennes que dans la plupart des autres départements français, le taux de décès prématuré supérieur à la moyenne, le nombre de cancers plus élevé. Ce phénomène peut s'expliquer en rappelant le vieillissement de notre population ou le taux de pauvreté locale, bien au-dessus de la moyenne nationale. Mais aussi valables soient-elles, ces explications n'effacent pas un cruel sentiment d'injustice. D'où la volonté de tout mettre en œuvre pour inverser la tendance et faire en sorte que la santé des Ardennais ne soit pas plus défaillante que celle des Angevins ou des Montpelliérains. Or, dans ce domaine, mon rôle de président du conseil de surveillance du CHINA, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, né de la fusion des quatre hôpitaux de la moitié nord de notre département, à commencer par celui de Manchester, me permet d'agir. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je note les nombreuses initiatives prises ces dernières années par notre centre hospitalier pour permettre aux Ardennais de bénéficier de soins de qualité sur place, donc sans avoir à réaliser un long, coûteux et parfois douloureux déplacement vers un autre centre de soins extérieur à notre département. À ce titre, l'annonce de la création à Manchester d'un nouveau pôle exclusivement destiné à lutter contre le cancer constitue une excellente nouvelle. Comme cela a été récemment le cas avec la fécondation in vitro ou les examens de coronarographie, ce pôle va donner aux habitants de notre territoire la possibilité de se faire soigner près de chez eux. Sachant que désormais notre hôpital propose également un bus de consultation gynécologique et deux nouveaux IRM. Imagerie par résonance magnétique. L'investissement réalisé par le CHINA pour ce pôle de lutte contre le cancer n'est pas anodin, 20 millions d'euros. Mais, outre l'aide apportée par l'État, cet investissement est possible car notre hôpital est le seul du Grand Est à présenter des comptes à l'équilibre. Une bonne santé financière qui nous permet de franchir un pas supplémentaire vers le but fixé, permettre toujours mieux aux Ardennais de se soigner dans les Ardennes. Austérité toujours, à quand la transition ? Par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. Tout d'abord, saluons la volonté de la mairie de créer un centre de sauvegarde pour la faune sauvage sur le site du parc animalier de Saint-Laurent. Le centre de soins le plus proche se situe à près de 2 heures de route. Les Ardennes n'ont aucune structure permettant d'apporter des soins aux animaux sauvages blessés, de les réhabiliter puis de les relâcher dans leur milieu naturel. Ce projet répondra à une demande des Ardennais qui ne savent pas où se diriger lorsqu'ils rencontrent un animal qui a besoin d'être secouru. Il répond aussi à la nécessité de préserver notre biodiversité et de la faire connaître. Ce type de centre peut comporter une dimension éducative et initier nos jeunes à la faune locale et à sa protection. Dans un autre registre, Beaucoup moins positif, les Ardennes et Charleville-Mézières continuent à pâtir de la politique nationale et des errements du président. L'Agence nationale des titres sécurisés, qui devait permettre la création de 600 emplois sur la ville, peine à ouvrir en raison de l'absence de décideurs. Et ce n'est que le début des problèmes avec un premier ministre très à droite qui affiche l'austérité budgétaire comme seule boussole. Le démantèlement des services publics va s'aggraver, toujours aux dépens des plus fragiles. On ne sait pas encore qui va payer le plus lourd tribut à ces réductions de dépenses. L'hôpital, l'école, la justice, les associations ? À Charleville-Mézières, les subventions de ces dernières sont déjà en baisse depuis 2 ans. Et la politique nationale va aggraver cette tendance destructrice pour la culture, les sports, les associations solidaires qui créent du lien dans notre société. Ces orientations budgétaires font fi des votes du mois de juillet. Les Français ont clairement dit non à la politique de Macron qui, en Robin des Bois monté à l'envers, prenait aux pauvres pour donner aux riches. Il y a d'autres moyens de réduire la dette que la destruction des services publics. Le problème de la dette n'est pas un problème d'excès de dépenses publiques, mais de baisse de recettes due aux cadeaux fiscaux accordés aux riches, aux actionnaires qui se sont gavés pendant les crises et aux grosses entreprises. La gauche proposait de revenir sur ces cadeaux fiscaux pour remettre le budget à l'équilibre. La droite veut continuer à précariser les plus fragiles. C'est le chemin vers une victoire du RN en 2027. Enfin, il n'est malheureusement plus question de transition écologique alors que le désastre climatique qui se profile est de plus en plus évident. La seule dette qui sera impossible à rembourser est la destruction de l'environnement que nous sommes en train de léguer, sans plus y réfléchir, aux générations futures. Qui va nous nourrir ? Par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. L'approvisionnement de nos cantines, celle de nos enfants et de nos anciens, peut être un formidable levier pour l'agriculture de notre agglomération et de notre département. Pendant longtemps, et jusqu'en 2014, Charleville-Mézières était montré en exemple partout en France pour avoir introduit 20% de produits bio dans ses cantines avant que la loi Grenelle ne l'y oblige. Cela avait permis la création ou la sauvegarde de nombreux emplois agricoles alentour. Les paysans s'étant organisés pour livrer notre cuisine centrale pouvaient approvisionner aussi les écoles de Reims et les hôpitaux et lycées de Champagne-Ardenne. Un cercle vertueux s'était créé. Depuis 10 ans, le bio et le local ne sont plus une priorité ici. Charleville-Mézières n'atteint plus les 20% de bio dans ses cantines. La ville régresse, alors même que la loi Egalim prévoit 50% de produits locaux, de qualité et durable, dont 20% de produits biologiques dans les repas des cantines. 2014, c'est aussi l'année de naissance des projets alimentaires territoriaux, qui ont pour ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation et d'assurer la transition agricole en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités locales et les consommateurs, et permettre de développer les relations entre les territoires urbains et ruraux. Ardennes Métropole a attendu 10 ans pour s'y mettre, pour adopter un projet alimentaire, projet édulcoré qui a fait l'impasse sur la concertation, pourtant étape essentielle du processus. Pendant ces 10 ans, un éleveur sur 6 a encore disparu dans notre agglomération, et la moisson catastrophique de l'été, conjuguée à la récente épidémie de fièvre catarrhale, risque de marquer une nouvelle étape dans ce plan social qui frappe nos campagnes. Nous avons perdu ici 10 ans. À l'heure où un paysan sur 2 partira à la retraite à moyen terme, qui va nous nourrir ?